rigolo. Je trouve ça pas bien qu'on les mette en les autres, car toute la journée ils font dodo. Il faut que tout le monde soit gentil avec n'importe qui, et que personne soit méchant n'importe quand. Faut que tout le monde soit gentil avec n'importe qui, et que personne soit méchant n'importe quand. Pourquoi oublier les gens qui n'ont rien sous la dent? Ceux qui meurent de faim sont pas méchants. Pourquoi les gens n'aiment pas les terroristes? S'ils font ça, c'est peut-être qu'ils sont tristes. Faut que tout le monde soit gentil avec n'importe qui, et que personne soit méchant n'importe quand. Il faut que tout le monde soit gentil avec n'importe qui, et que personne soit méchant n'importe quand. Je me demande pourquoi les belles filles me regardent pas. Peut-être qu'elles font semblant que je suis pas là. Je me demande pourquoi Jésus ne revient pas. Peut-être qu'il est vamos à la playa. Il faut que tout le monde soit gentil avec n'importe qui, et que personne soit méchant n'importe quand. Il faut que tout le monde sois gentil avec n'importe qui, et que personne soit méchant n'importe quand. Oh ouais. Sois gentil avec n'importe qui, et que personne soit méchant n'importe quand. Il faut que tout le monde soit gentil. N'importe quand, n'importe qui.